Alors, il y a beaucoup de noms, en français comme en espagnol, qui finissent en ION. Il n'est donc pas nécessaire de tous les passer en revue. Pour la plupart d'entre eux, vous devriez pouvoir trouver son équivalent en espagnol, sans problème. Comme on l'a déjà vu avec condition, condición, position, posición, confirmation, confirmación, information, información, etc. On a vu qu'il y avait quelques exceptions, excepciones, hein, des exceptions, comme réservation, reserva. Mais, dans leur grande majorité, ce sont les mêmes mots en français et en espagnol. Pour les mots qui finissent en C-T-I-O-N, hein, xion en français, comme par exemple action ou traduction, leur équivalent en espagnol s'écrit avec deux C, parce que, prenons comme exemple traduction, on a un premier C pour traduc, puis le C de la terminaison, fion. Donc, traduc, fion, avec deux C. Ac, fion, avec deux C. Alors, si vous voulez dire « j'ai besoin d'une traduction », vous direz « j'ai besoin de », « avoir besoin de », »,« nécessité ». Necesito. Necesito. Redites-le, s'il vous plaît. Necesito. Necesito, oui. J'ai besoin de une traduction. Traduction. Il faut que l'accent, que la voix porte sur la dernière syllabe. Traduction. Ok. Traduction. C'est ça. Necesito una traducción. Et j'ai besoin de la traduction. Donc, necesito la traducción. Necesito la traducción, oui. Et est-ce que vous pouvez faire une traduction pour moi? Puede hacer. Bien. Puede hacer. Hein? Hacer. Hacer. Une traduction pour moi. Una traducción. Pour moi. Para mí. C'est bien. Puede hacer. Pouvez-vous? Puede hacer. Una traducción para mí. On peut ajouter por favor, c'est-à-dire s'il vous plaît. Alors, pouvez-vous le faire pour moi, s'il vous plaît? Puede. Oui, puede, pouvez-vous. Et faire se dit hacer. Hacer. Donc, le faire, c'est hacerlo. Hacerlo, qui se crie en un seul mot. Hacerlo, oui. Alors, pouvez-vous le faire pour moi, s'il vous plaît? Puede. Puede. Puede hacerlo para mí, por favor. Puede hacerlo para mí, por favor. Pensez au mot français faveur, hein? Vous demandez une faveur à quelqu'un. Et si vous voulez dire... Pouvez-vous le faire pour moi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est hoy. Ça s'écrit H-O-Y. Hoy. Qu'on retrouve, d'une certaine manière, dans le oui du mot aujourd'hui. Donc, hoy, c'est aujourd'hui. Hoy. Alors, pouvez-vous le faire pour moi aujourd'hui? Puede. Dis-le à nouveau. Puede. Puede. Puede. Le faire. Hacer. Le faire. Hacerlo. Pour moi. Para mí. Oui, c'est bien cela. Puede hacerlo para mí hoy?